Selon les médias sud-coréens, a eu lieu le 1er mars sur la place Gwanghwamun à Séoul, le rassemblement à la bougie de la journée de la 18e action pan-nationale pour la destitution de Park Geun-hye, consacrée au 1er mars sous le patronage de l'action nationale d'urgence pour la destitution du pouvoir de Park Geun-hye. Les autorités de l'ordre public y ont lancé presque 16 000 policiers de 202 compagnies et des véhicules pour la surveillance. Au meeting ont participé plus de 300 000 personnes, y compris les membres des formations civiles et sociales et les parlementaires de l'opposition. Au terme du meeting, les participants ont livré la manifestation vers la Maison Bleue et le tribunal constitutionnel.